Awake by zigzags. Tree from time to time. Eagle mutates. Moulin cosmique. Par le grand bénéfique, un chaudron quête. Yume Mokusei Atamawashi Ne Nagareboshi. Awake by zigzags. Moulin cosmique. Yume Mokusei. From time to time, par le grand bénéfique, Atamawashi ne. Eagle mutates, un chaudron quête. Nagareboshi.